Salut, salut, comme tous les dimanches soir 21h, votre rendez-vous punk, rock, musique expérimentale et toutes plus bruyantes les unes que les autres, c'est Lost in Space. Et Lost in Space commence avec les Adolescents et Losing Battle. C'est parti pour 3h, go! God, who watches above, they'll damn you to hell, and they tell you to love. La musique, je le sais, m'a individualisé. En l'aimant d'emblée, et fort jeune, elle m'a séparé de la famille et fait un. M'a fait entrer dans l'incommunicable. Tu as raison de parler d'énergie et de nerfs, mais ce qui me touche infiniment chez Berlioz, ce sont les passages où le temps semble étiré, enroulé sur soi, suspendu. I'm Louis, ce sens délicieux, nous apporte la compagnie de la rue, dont elle nous retrace toutes les lignes, dessine toutes les formes qui y passent, nous en montrant la couleur. Donc les bruits de la rue me réveillèrent comme si deux ou trois haut-parleurs fixés au-dessus de mon lit émettaient un compte-rendu sonore d'ethnologie urbaine. J'écoutais longtemps le reportage, jouissant de la tiédeur du lit et de la pénombre de la chambre à cette heure indue. J'étais d'abord incapable de me lever, j'attendais un signe, un ordre ou une invitation. J'avais renoncé, moi aussi, à me rendre à mon travail. Mais dehors, je le devinais, tout n'était que promesse de joie, de surprise heureuse. Le désir de l'aventure s'infiltrait par tous les pores de ma peau et saturait mes pauvres muscles d'une énergie que n'eût pas refusé le plus costaud, le plus sportif de mes amis. Que la vue et l'ouïe se confondent dans le toucher, que la cabane, ou plutôt la toile de tente, c'est la peau, perméable comme un buvard au corps entier. Mais cette pénombre associée à la rumeur me ramène à la toile écrue des poètes de 7 ans et aux 10 derniers vers. Et comme ils savouraient surtout les sombres choses, quand, dans la chambre nue aux persiennes closes, haute et bleue, âcrement prise d'humidité, il lisait son roman sans cesse médité. Plein de lourds ciels ocreux et de forêts noyées, de fleurs de chair au bois sidéral déployé, vertige, écroulement, déroute et pitié. Tandis que se faisait la rumeur du quartier en bas, seul et couché sur des pièces de toile, écru et pressentant violemment la voile. Je souligne aussi le mot pitié qui apparaît 2 autres fois dans le poème de Rimbaud. Pitié, ses enfants seuls étaient ses familiers qui conversaient avec la douceur des idiots. Je pense à la cour des miracles dispersée dans les ouvrages, en souvenir des demi-fous côtoyés, aimés dans ton enfance à Douchapt. Et si, l'ayant surpris à des pitiés immondes, sa mère s'effrayait. Cette pitié, sympathie au sens fort, perméabilité à la douleur d'autrui, tu connais. I'm Il est peut-être utile, avant de commencer ce récit en marge de l'affaire Fairchaud, de rappeler les grandes lignes de cette affaire. On ne trouvera plus loin, en effet, que des allusions à des événements qui ont certes des liens plus ou moins étroits avec la crise qui nous occupe, mais qui fourniraient la matière à plusieurs forts volumes. Come out, you're so big, we can do it tonight. sidewalk, sidewalk, sidewalk, sidewalk, sidewalk, sidewalk, sidewalk, sidewalk. On nous reprochera peut-être de n'avoir pas présenté l'affaire dans toute son ampleur et sa complexité. Nous ne l'avons pas tenté, préférant borner notre étude à un moment de la vie tumultueuse de Dieudonné Fairchaud, moment que d'aucuns ne manqueront pas de considérer comme le moins intéressant d'une existence fertile en péripéties dramatiques. Tell them turn on the heat. Tell me all you ever. De l'affaire Fairchaud proprement dite, nous nous contenterons de résumer, d'après les pièces du procès, les faits les plus importants. Une opération à cœur ouvert pour un rhume de cerveau. Là vraiment ils exagèrent, ils en font un peu trop. Une séance d'électrochoc pour une fracture du pouce. Arrêtez, tu débloques, tu fiches la frousse. Une série d'intraveineuses pour une simple migraine. Thérapie plutôt douteuse. Et carrière. Et pour vous, le mieux, c'est de vous mettre le bras dans le plâtre. Ouais. J'ai dit, docteur, je crois bien que j'ai une bronchite. Il m'a dit non, ça, c'est le cœur. On va opérer de la pancréatite. Ah, docteur, ça va pas, non? C'est mon cœur qui fait les siennes. Allez, couchez-vous là, on va faire une césarienne. Je suis allé à l'hôpital parce que je me sentais pas très bien. Ils m'ont dit, ça c'est les amygdales, faut faire un shampoing. Hey docteur, allez voir un peu ce que j'ai là, ce serait pas la rougeole. Ils m'ont dit, si, même que c'est dangereux. Allez hop, la camisole. En direct de San Francisco, les Po renouvellent avec leur second album un genre déjà bien connu, le synth-punk. Comme son nom l'indique, cela consiste simplement en des chansons punkoïdes accompagnées d'un synthé CQFD. Sauf que là, ils en rajoutent une bonne couche au niveau synthé. On a même droit à des plages instrumentales, sorte d'interlude, digne de figurer dans un bon nanar science-fiction années 50, avec monstres en carton-pâte et tout le bordel. À part ces bizarreries, le reste de l'album fait beaucoup mieux que se défendre. On a des vraies chansons, une sorte de Tubeway Army qui aurait remplacé Gary Numan par un hurleur beaucoup plus punk que l'original. L'équilibre synthé-guitare est une vraie merveille, me faisant joyeusement penser à Varum Joe, ou Frustration, pour les plus récents de la bande. Comme chez leurs collègues français, on ressent une vraie jubilation à mélanger New Wave et compos d'Obedience Rock, qui est encore améliorée par l'arrivée d'un quatrième membre qui s'acharne à tambouriner de manière frénétique pour notre plus grand bonheur. Le titre qui tue Eyesight et qu'on va écouter tout de suite après est un parfait concentré de la magie du groupe. Rythme endiablé, guitares acérées, synthé possédé et chant distancié. Tout sonne juste, sans faute de goût. Le résultat est donc tout sauf bourrin et la finesse des arrangements monte en puissance au fur et à mesure des titres. Et s'il fallait encore un argument pour emporter l'adhésion, les paroles sont loin d'être de stupides mièvreries. Pas étonnant pour des jeunes gens venant d'une ville dont la réputation avant-gardiste n'est plus à faire. Stay away from me. Get away from me, Tommy. his wisdom to excess. Tommy don't hold no corn. Transcends the limits of his culture. The very one where I was born. Gotta get away. Le 3 mars 1895, le vapeur Aquitaine, des chargeurs réunis, débarquait entre autres voyageurs dans le port de Matadi au Coron belge, les frères Dieudonné et Émile Ferchaud. You feel about that? Ruby Soul, I know a boy who wants you. How do you feel about that? You bat your lashes in the Paris rain, that's all you had to do. A shake of your hips and a blood red smile. You feel about that? Ruby Soul, I know a boy who loves you. How do you feel about that? Feel about that? Ruby Soul, I know a boy who loves you. How do you feel about besotted with you? How do you feel about that? Ruby Soul, I know a boy who loves you. How do you feel about that? Too fast, northbound on 4. Émile Ferchaud s'était embarqué à Bordeaux avec un billet régulier de 3e classe. Il n'en était pas de même pour son frère, Dieudonné, dont l'aventure avait alimenté toutes les conversations pendant la traversée, non sans mettre l'excellent commandant Beuret dans un certain embarras. You. Trois jours après le départ de Bordeaux, en effet, Émile Ferchoux avait insisté pour être entendu par le commandant. Très pâle, il lui avait avoué que son frère et lui avaient, faute d'argent en quantité suffisante, fait le projet de voyager tous les deux avec un seul billet. Alors qu'Émile, le cadet, s'embarquait régulièrement, Dieudonné, caché à bord, devait recevoir chaque jour la visite de son frère, qui lui apporterait une partie de sa propre nourriture. City, it ain't my friend. Heartache is what you give. You D'avance, en rôdant sur les quais de Bordeaux, ils avaient choisi comme cachette une des embarcations de sauvetage installée sur le pont supérieur et toujours recouverte d'un taux de forte toile. Que s'était-il passé au moment du départ ? Dieudonné Ferchaud n'avait pu gagner sans être vu le pont des embarcations. Refoulé par les allées et venues de l'équipage, il avait pénétré, provisoirement espérait-il, dans la cale avant, mais son frère n'avait pas tardé de voir les matelots bloquer les panneaux. Gonna stand tonight. soy de boy Savoy, de boy Savoy, de boy Savoy, that no one can be soy. Boyish rebel music with vaccine point of view. Working class, rock and roll, what a life shall be and you. Good boy, Savoy. Good boy, Savoy. Good boy, Savoy. Let no one get me so high. Good boy, Savoy. Good boy, Savoy. Good boy, Savoy. Let no one get me so high. Pendant trois jours, Émile Ferchou avait en vain essayé d'atteindre la cale par l'intérieur du navire et il s'était adressé entre autres à un steward qui ne lui avait été d'aucun secours. One, two, three, blast off! Murder, wish a crack in the ground would open up. I wish the hole in your head would kindly shut. The stinky old breath of your dusty religion. You only act on your own decision. Blast off! Full steam ahead. Kid, chest out, blast off! Take a shot of life, forget to act like a human sultan down the night. It's only there to shroud your eyes in a mist so you don't have to care. The idiocy of you all blast. Tremor in full doubt. Blast off! Social network. Let everyone know who the hell you are. Blast off! Throw your way about. Light a cigarette. Drink yourself dead. There's a time to shout, a time to weep. Let the birds sing, let the dogs sleep. But all you do is open your door, rant and rave, a constant war. Yeah. Son récit fiévreux s'avéra exact car on découvrit peu après Dieudonné Fairchaud dans la cale numéro 1. Encore qu'exténué par 3 jours de jeûne absolu, sa première réaction fut de fuir à la faveur de l'entassement de marchandises qui emplissait la cale, et le troisième officier raconta le lendemain qu'il avait fallu le traquer à travers caisses et ballots comme un chat sauvage. Schwester hämmert an die scheiß Haustür. Halt die Fresse, Mensch, ich urinier. Muttis Augen sind ganz rot. Der Alte auf dem Sofa tot. Was schreiben wir aufs Grabemal? Im Fernsehen kommt grad Rosenthal. Thank you. place. I settle with my normal grace. You can't put me on the shelf. Then take me down again when you feel like myself. Ces papiers apprirent que Dieudonné Ferchaud était né à Bordeaux le 13 février 1872 d'une certaine Eugénie Lamineux, épouse Ferchaud, domestique. Your old man's been blasted out of his wheels and your king-sized brother's been twisted like a pretzel. You're all that's left, lover, and you ain't gonna be around for long. Kill the poor. love. You call this love? Well, honey, your love generation ain't got a fuck to do with me. No, no, no, ain't got a fuck to do with me. Claude Pélieu, l'iconoclaste, le déflagrateur, Frankeur Dixit, s'est éclipsé après bien des morflances le 24 septembre 2002 à Norwich dans l'état de New York. Après avoir plaisanté avec Mary au téléphone en lui détaillant le programme des festivités organisées par l'hosto pour ce jour de Noël, il a chambré une dernière fois l'infirmière de service, a souri à la vieux coquette bigleuse qui, le prenant pour un Chippendale, lui avait quelques jours plus tôt glissé un billet $1 dans la ceinture de son bénard et a gratifié d'un clin d'œil gouailleur la camarde qui l'attendait à la porte du réfectoire. Claude s'est tiré pour de bon et nous sommes restés comme une flopée de ronds de flanc, nous ses amis, avec notre douleur et le souvenir de lui à jamais rivé au cœur. La mort ne parviendra jamais à effacer certaines alliances, ni les mots qui cimentent les fortes complicités. 6 années se sont écoulées depuis sa disparition. God damn this town. God damn this town. You men locked in the stores. Raiding the cores. Children are weak, children are tame, children are crippled, cursing their names. Your names, your golden names. Mrs. Jones, your daughter's a mess. Black in the eye, but lived in a dress. Husband's a freak, digging the scene. Well, is our wellness a washing clean? Who wants to die for the mother's golden names? Who wants to die for the father's golden? Who's gonna afin de ne plus rester prostré, assis au bord du vide, creusé par son absence, j'ai décidé un jour de mai 2004, de retour de Cherry Valley, avec l'accord et le soutien de Mary, de rassembler quelques témoignages, plus des textes de lui, des images, des lettres et collages, pour réaliser un ouvrage qu'il aurait pu apprécier, sans pour autant se priver du plaisir de brocarder comme à son habitude. Ça sert à rien de faire ça, te fais pas chier, laisse tomber ces conneries. Sans doute ce qu'il aurait dit, tout en étant ravi et reconnaissant pour le boulot accompli. La collecte des textes et documents a duré plus d'un an et presque tous les auteurs et artistes contactés ont répondu à l'invitation, ce dont je leur sais gré. Ce succès, je le dois essentiellement au rayonnement de l'œuvre et de la personnalité de Claude, à l'amour et à l'admiration que tous lui portaient, mais aussi à l'aide précieuse de Mary et de sa fille, Pamela Plimel, qui ont intercédé pour moi auprès de bon nombre de leurs amis américains. Mira. The mercy is you cannot understand that this is final. But it's you and every man, audience is clear. A long way for you've got now, he's sure that confinement ends. But he's full after, so briefly running free. The spirit dwells between the cells. Elle ne disait rien d'autre. Elle portait le timbre de la poste de San José. Je bus de la bière. Une goutte de vapeur d'eau condensée traça une marque luisante sur le flanc de la bouteille verte. Je descendis très prudemment du tabouret, allai lentement prendre ma carte routière et chercher Mill River, Californie. Ça se trouvait au sud de San Francisco. 10 753 habitants. J'avalai une autre gorgée de bière, puis j'allai téléphoner. Vince Haller répondit au quatrième coup de sonnette. Je dis que c'était moi. Nom de Dieu, il est 1h20. Oak est en tôle dans une petite ville qui s'appelle Mill River, au sud de San Francisco. Je veux que tu lui envoies immédiatement un avocat. À 1h20, protesta Haller. Suzanne a aussi des emmerdes. Je pars ce matin. Je veux avoir des nouvelles de l'avocat avant mon départ. Quel genre d'emmerde ? Demanda Haller. Je ne sais pas. Oak est au courant. Envoie immédiatement un avocat. D'accord. J'appelle un cabinet qu'on connaît à San Francisco. Ils réveilleront un de leurs jeunes avocats et l'expédieront là-bas. Il n'est que 10h moins le quart à San Francisco. Je veux qu'il m'appelle dès qu'il aura vu Hawk. Ça va, toi, dit Haller ? Grouille-toi, Vince. Je raccrochais, je sortais une autre bouteille de bière et relus la lettre de Suzanne. Elle disait la même chose. Je m'assis au comptoir à côté du téléphone et regardais mon appartement. We'll be right back. Des étagères de chaque côté de la fenêtre de façade, une cheminée en état de marche, un living, une chambre, cuisine, salle de bain, une carabine, un fusil, trois pistolets. Il y a trop longtemps que je suis là, dis-je. Les mots résonnèrent dans la pièce vide d'une manière qui me déplut. Je me levais, allais à la fenêtre de façade, regardais Marlborough Street. Il ne s'y passait rien. Je retournais au comptoir et rebus de la bière. Il faut bien s'occuper. Le téléphone sonne à 4h du matin. Ma deuxième bouteille de bière s'était éventée, à demi entamée sur le comptoir, et j'étais allongé sur le dos, sur le canapé, les mains derrière la tête, les yeux fixés au plafond. Je répondis au téléphone avant la troisième sonnerie. À l'autre bout du fil, une voix de femme dit « Monsieur Spencer ?» Je répondis oui. « Ici Paula Goldman, je suis avocate dans le cabinet de Stein, Fay et Corbett » à San Francisco et on m'a demandé de vous appeler. Vous avez vu Hawk? Oui, il est en prison à Mill River, Californie, inculpé de meurtre et d'attaque à main armée. Il n'y a pas de mise en liberté sous caution et aucun espoir de l'obtenir. Qui a-t-il tué? Il est accusé d'avoir tué un dénommé Emmett Calder qui travaille comme consultant en sécurité pour un certain Russell Costigan. Il est accusé de diverses agressions sur d'autres personnes des services de sécurité et plusieurs officiers de police. Apparemment, il est difficile à mater. Missing link. Get your hair cut, get your hair cut. You are looking pretty rough. Get your hair cut, get your hair cut. You are nothing but a scruff. Get it cut. Get it cut. I'm Il reconnaît avoir tué Colder et attaqué les autres, mais il dit qu'on l'a attiré dans un guet-apens et qu'il s'agit de légitime défense. Vous pouvez prendre sa défense ? Peut-être, si je connais les faits. Le problème est que le père de Russell Costigan est Jerry Costigan. Nom de Dieu. Vous connaissez Jerry Costigan ? Je sais qui c'est, il possède des tas de choses. Oui. Paula Goldman s'exprima d'une voix ferme, sans hésitation. Et l'une des choses qu'il possède est Mill River, Californie. Hawk n'a donc pas beaucoup de chance s'il passe en justice. S'il passe en justice, il est fichu. Je ne dis rien pendant une minute, j'écoutais les petits bruits transcontinentaux sur la ligne. Il a parlé de Susan Silverman, demandai-je. Il a dit qu'il était allé la voir parce qu'elle le lui avait demandé et qu'il l'attendait. L'entretien a eu lieu sous surveillance étroite et a été accordé très difficilement. Stein, Fay et Corbett ont un cabinet important dans la région de la baie. Nous avons de puissantes protections. Si nous en avions moins, il aurait pu ne pas y avoir d'entretien du tout. C'est tout ce que vous savez ? C'est tout. Quelles sont ses chances de s'en tirer ? Aucune. Judge a man by the way he wears his hair. Can you read his mind by the clothes that he wears? Can you see a bad man by the pattern on his tie? Well then, mister, you're a better man than I. Yeah, mister, you're a better man than I. Oh, mister, you're a better man. Tell a wise man by the way he speaks or spells. Is this more important than the stories that he tells? And call a man a fool if all wealth he doesn't strive. Well then, mister, you're a better man than I. Yeah, mister, you're a better man than I. better man than I. Yeah, yeah, Misty, you're a better man. You're a better man than I. Yeah, Misty, you're a better man.